Pierre Court. Les menaces terribles, l'emportement profond et soudain de son père, la peur. La peur qu'il a sentie en lui et chez son père aussi, lui font comprendre qu'il y a là quelque chose d'inhabituel, de spécial. Il court. Il sort du fort, il court d'une traite jusqu'à Martin et ses frères et les autres copains à la grange voisine. Là, les gamins se retrouvent aussi souvent que possible, au gré des multiples tâches dont on les charge dès qu'ils sont en âge de les accomplir, et parfois même avant. Pour l'heure, il n'y a que trois gosses, des petits qui jouent entre eux. Pierre les ignore, s'étend dans le foin, soupire, pleure un peu. C'est bizarre, les larmes lui viennent souvent ici. Immobile, il commence à somnoler en entendant les petits qui jouent. Les ciseaux coupent le papier enveloppe la pierre casse les ciseaux, le papier, la pierre. En lui, les mots tournent et s'altèrent peu à peu, les ciseaux, le papier, la pierre, l'homme. L'homme marque le papier commande la pierre enferme l'homme marque le... Mais ça tourne court, ça s'arrête là parce que l'homme est dissemblable, l'homme est différent, l'homme n'est pas le même, un pour le papier, un pour la pierre, le cycle est rompu et l'homme disparaît, enfoui sous la pierre, il s'enfonce en hurlant dans un gouffre noir. Celui du sommeil de Pierre.